Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Point de vente soumis au code de la mutualité. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. Eh bien, merci Frédéric pour cette émission sur Danny Elfman et surtout le lien avec Code Lisa, que de souvenirs. Ben, je profite justement du répondeur pour passer un message parce que en première année de fac, j'avais un pote qu'on appelait Gary, parce que tu le voyais, ben, c'était Gary Wallace. Alors je l'ai totalement perdu de vue, donc ben, Gary, si t'écoutes, appelle et laisse un message sur le répondeur, il y a moyen qu'on se retrouve. Allez, à plus. Bonjour à toute l'équipe, ici Cortex. Avec Minus, nous avons décidé de revoir nos ambitions à la baisse et nous allons conquérir le monde des blockbusters. Pour cela, j'ai récupéré toutes les émissions et chroniques de Frédéric et j'ai créé une intelligence artificielle, FredGPT. Ce soir, je vais conquérir le meilleur des mondes. Not to be. Y'a rien qui m'énerve plus quand tu fais face à une énigme dans un jeu vidéo d'avoir un PNJ, un personnage non jouable, à côté de toi, qui te balance quasiment la réponse. Pourquoi tu ne regardes pas du côté de ce mur caché vers la pierre en surbrillant surmontée d'une flèche qui clignote en rouge? Purée, on dirait ma mère avec mes gosses. Elle va pas avoir trop chaud la petite avec un pull comme ça? Elle mange une glace si peu de temps avant le dîner? Ça va pas faire trop? Ça me fait littéralement le même effet. Fous-moi la paix! Atreus dans God of War. Il y a des moments, j'avais envie de lui dire « Mais tu peux pas te taire ?» D'abord, qui te dit que je galère à trouver la réponse, hein? Peut-être qu'à 70 euros le jeu, j'ai tout simplement envie de faire un peu durer le plaisir. Ça fait 45 heures que je massacre des trolls, des zombies et des valkyries, que je patauge dans des flaques de sang virtuel. Peut-être que là, j'ai une soudaine envie de méditation et de quiétude. Ou oui, même dans un jeu vidéo. J'ai conscience qu'on n'a pas tous le même niveau face à une difficulté dans un jeu. Mais là, on est à un niveau d'infantilisation, des fois c'est blessant. Quand à la troisième mort, ta console est déjà en train de te demander si tu ne veux pas abaisser le niveau de difficulté, je suis désolé, je me sens jugé. J'ai déjà mon taf et ma vie de couple pour savoir que je suis un incapable, merci hein. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faciliter la vie de certains joueurs. Mais au moins, chers concepteurs et conceptrices de jeux, attendez qu'ils le demandent, bon sang. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Seul. La princesse avait survécu, et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Zelda Breath of the Wild est sorti le 3 mars 2017. 6 ans plus tard, il continue d'être considéré comme la perle de la console Nintendo Switch et peut-être aussi un des jeux les plus réussis tout court. Porté par des mécaniques de jeu novatrices, par une patte graphique et un savoir-faire qui caractérise l'entreprise Nintendo, Zelda Breath of the Wild a constitué un carrefour du jeu vidéo moderne. À l'occasion de la sortie de sa suite, tant attendue, Tears of a Kingdom, on revient sur cet épisode spécial de la légende de Zelda pour comprendre ce que ce jeu a que tant d'autres n'ont pas. Et pour cela, j'ai avec moi, évidemment, Olivier Béniz, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes journaliste spécialiste du jeu vidéo à France Inter. On peut retrouver votre chronique La Faute aux jeux vidéo chaque semaine sur l'antenne le mardi matin et sur l'appli Radio France quand on veut. Exactement. avec nous de retour et on est ravis. Thomas Erquid, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes auteur, créateur de contenu et journaliste pour Brut et vous avez déjà crapahuté une dizaine d'heures dans le monde de Zelda Tears of a Kingdom. Vous êtes donc le seul autour de la table à y avoir déjà joué puisque nous enregistrons cette émission le matin du 12 mai, le jour de la sortie du jeu. Et c'est dire si on est professionnel parce qu'on vous parle alors qu'on pourrait y jouer. J'admire. Vous avez récemment interviewé Eiji Aonuma et Hidemaru Fujibayashi, respectivement le producteur et le réalisateur historique de la franchise Zelda, notamment Breath of the Wild et Tears of a Kingdom. Oui, tout à fait. C'était l'expérience était incroyable. Vous allez nous en parler. Les présentations sont faites, en route pour l'incroyable royaume d'Hyrule. Dans Breath of the Wild, à peu près 10 secondes après avoir commencé le jeu, on nous fait escalader ce mur pour sortir de la grotte où on a commencé. Ce qui n'est pas inhabituel, c'est souvent possible dans les jeux vidéo d'escalader certains murs, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire partout. Mais dans ce jeu spécifiquement, on peut le faire partout, et le jeu aimerait que je le comprenne. Qu'est-ce qu'il fait ? 10 mètres plus loin, il y a un arbre avec deux pommes, et une qui est suffisamment basse pour que je puisse l'attraper en sautant, et l'autre qui a été placée un demi-pixel plus haut, de façon à ce que juste sauter en dessous ça suffise pas. Et donc on tourne, on gesticule, on essaye différents trucs, et à un moment, on s'accroche à l'arbre. Ça paraît rien, ça paraît tout bête. Mais est-ce que j'ai l'impression que le jeu m'a appris un truc ? Non, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Un extrait d'une vidéo d'Augustin Helio sur les mécaniques d'apprentissage dans Zelda Breath of the Wild. Alors, je vous pose la question à tous les deux, Olivier Bénis, Thomas Erquid. Que représente Zelda Breath of the Wild pour vous en tant que joueur ? Parce que c'est un jeu un petit peu à part. Il y a l'univers du jeu vidéo et il y a Zelda. Moi, je pense que dire que c'est un jeu à part, c'est bizarre parce que c'est quand même un des jeux qui a le plus marqué sa génération. Pour moi, c'est pas un jeu à part, c'est une définition du jeu vidéo actuel. Et pour moi, ça représente une définition contemporaine, canon, à l'échelle de notre culture et de notre civilisation, de qu'est-ce que c'est qu'une aventure, qu'est-ce que c'est qu'un héros, qu'est-ce que c'est que la découverte, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. Pour moi, c'est une somme, c'est-à-dire que c'est un point de convergence, une somme entre plein de choses qui ont toujours guidé notre espèce, finalement, avec le raconter des histoires, vivre des choses, et en même temps une ouverture sur qu'est-ce que ça va être demain. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est carrément quelque chose qui nous reconnecte directement avec ce qui fait de nous des humains. Oui, allons-y pour ça. Non, en vrai, ce que les producteurs de Zelda ont voulu faire, c'est créer une expérience qui est fédératrice, qui rassemble et qui aussi, comme c'est très bien dit dans l'extrait, pousse les joueurs à avoir une nouvelle expérience de jeu et qui soit aussi instinctive et en même temps très enrichissante avec ce sens d'accomplissement qui est fait. Et ça passe par raconter aussi une belle histoire. Olivier Bénis. On parlait d'apprentissage. Moi, je définirais Breath of the Wild comme une leçon. À la fois aux joueurs et à la fois à peut-être l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que Nintendo est arrivé avec ce nouveau jeu, ce nouveau Zelda, en faisant à peu près tout l'inverse de ce qui était attendu d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait, ou ce qui était attendu de n'importe quelle société de production de jeux vidéo, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qui marche. Ils ont cassé tout ce qu'ils avaient qui fonctionnait dans les jeux précédents et dans leurs jeux en général. Et ils se sont dit, comment on peut faire pour tout reconstruire, pour que ce soit vraiment quelque chose de nouveau, d'actuel, de moderne, qui utilise les technologies disponibles aujourd'hui pour faire du jeu vidéo, pas uniquement en termes de graphisme, de côté impressionnant visuellement, mais pour en faire quelque chose de... ça doit être quoi un jeu vidéo aujourd'hui ? Et Breath of the Wild est arrivé, et tout le monde a joué à ça, et s'est dit, limite... Ah, c'était fade ce qu'on avait en fait avant. C'est presque un jeu qui gâche les jeux précédents. Pas totalement, mais il y a un petit côté « Ah mais pourquoi on faisait pas ça avant ? Pourquoi ça on n'y avait pas pensé ? Pourquoi ça on n'avait pas imaginé qu'on pouvait impliquer le joueur comme ça ?» Et ça fait qu'ils arrivent, mais comme un petit peu avec le tout premier épisode en 86, c'est-à-dire qu'ils arrivent en disant « Bon, on a fait quelque chose dans notre coin, on a fait un truc un petit peu différent, dites-nous ce que vous en pensez. » Et quand ils arrivent, on a tous le souffle coupé. Enfin, voilà, Breath of the Wild, je pense qu'il y a cette idée-là, en fait, derrière ça, il y a ce côté couper le souffle aussi aux joueurs. Et ça fonctionne très bien. Parce que Zelda avait aussi un historique d'une histoire de jeu novateur. Mm-hmm. C'est un des premiers jeux qui a permis la de sauvegarder, par exemple. Ouais, le tout premier épisode à l'époque, alors ça paraît complètement dingue pour les joueurs d'aujourd'hui, mais sachez que dans les années 80, quand on jouait à un jeu vidéo, il fallait le finir en une après-midi ou en une journée parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Donc quand on éteignait la console, tout était perdu. Ou alors, il y avait des systèmes de code très rébarbatifs avec des chiffres et des lettres qu'il fallait noter sur un petit bout de papier pour revenir à où on était. Et ça, Zelda... c'est une expérience de code Wi-Fi à peu près. À peu près, mais presque pire. Si vous avez été joueur dans les années 80, vous avez peut-être encore des carnets qui traînent quelque part dans un grenier avec des codes dont on ne sait plus absolument à quoi ils servent. Mais voilà. Et donc Zelda est arrivé et une des innovations du jeu, c'était de pouvoir permettre de sauvegarder. Ce qui a l'air de rien, mais change tout quand on conçoit un jeu. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus obligé de se dire il faut que le jeu il soit terminable assez rapidement, il faut qu'il n'y ait pas de frustration du joueur, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit très simple à comprendre tout de suite pour qu'on soit immédiatement dans le jeu. Là, on peut dire, non, le joueur peut sauvegarder, donc il peut y jouer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, donc allons-y, offrons au joueur quelque chose de très ouvert, laissons-lui le temps de se perdre, laissons-lui le temps d'apprendre, laissons-lui le temps de découvrir les choses, et ça a tout changé à la conception de jeux vidéo en général. Thomas Hercouet, qu'est-ce que représente Zelda Breath of the Wild pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo? Parce que ce jeu, quand il est sorti, il faut bien que les auditeurs comprennent, parce que pour beaucoup de gens, Zelda, ils pensent au premier épisode sur la NES, et ils mesurent peut-être pas ce qui a été accompli avec Breath of the Wild, avec les évolutions technologiques, mais c'est aussi un jeu qui, quand il est sorti, a eu le maximum des notes critiques un peu partout. Et d'ailleurs, la suite Tears of the Kingdom prend exactement le même chemin. Ce qui est fou, c'est qu'on se dit, un jeu parfait sorti il y a 6 ans, il y a la suite, elle est aussi considérée comme toujours parfaite. Comment l'industrie a accueilli cette arrivée cette nouvelle manière de faire un monde ouvert? Avec une inquiétude et un tremblement. Non, je plaisante, mais en fait, je pense que la plupart des jeux vidéo, la métrique de la qualité, c'est est-ce que les joueurs passent des bons moments, est-ce que ça a des bonnes notes. Je pense qu'un Zelda, la qualité d'un Zelda, inconsciemment, j'extrapole un peu, mais se mesure au fait de sa capacité à révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Le premier Zelda a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. A Link to the Past sur Super Nintendo a révolutionné. Ocarina of Time aussi. Et est arrivé ensuite les opus sur Game Boy Portable aussi. Sur console portable, pardon. Et quand Breath of the Wild est arrivé, je pense qu'on, l'industrie, ça s'est un peu vu, mais il y a beaucoup d'éléments visuels, de grammaire de jeux vidéo, de grammaire de gameplay, qui ont très vite été adoptés par plusieurs concurrents, par d'autres développeurs, et par Nintendo même. Il y a plein d'éléments que Nintendo a repris de Breath of the Wild dans ses jeux. Donc, je pense par exemple, c'est pas vraiment Nintendo, mais Pokémon, par exemple, les nouveaux Pokémon ont beaucoup pris de Zelda. Donc, oui, mais même des jeux mobiles comme Genshin Impact. Bien sûr. Voilà, ou des jeux d'autres éditeurs comme Immortals chez Ubisoft, comme Horizon Zero Dawn. Oui. Enfin, voilà, tout exactement. Ça. Donc je pense que pour l'industrie, l'industrie attend. Après, je suis pas dans l'industrie du jeu vidéo, mais je pense que l'industrie attend Zelda pour voir un peu c'est quoi leur coût. Qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce que les joueurs vont adopter, en plus maintenant vraiment massivement. Peu de gens le savent, mais Zelda, le premier Breath of the Wild, le jeu est le plus vendu de toute la série Zelda, 29 millions d'exemplaires. Le deuxième, c'est moins de 9 millions d'exemplaires, c'est Twilight Princess. Breath of the Wild est vraiment un coup, vraiment en termes de succès critique et commercial. Quoi. Et qui est d'ailleurs extrêmement lié aussi à la popularité de la Nintendo Switch. Évidemment, mais ça veut dire que beaucoup de joueurs ont été en contact avec ses codes et avec sa grammaire, et du coup, l'industrie du jeu vidéo regarde beaucoup ça pour savoir, ok, si Zelda fait un truc, et si Zelda fait un truc bien, les joueurs vont, après avoir eu un niveau d'attente, et un horizon d'attente et de qualité, qu'il va falloir adopter. Et c'est pour ça que je pense que Tears of the Kingdom aussi a pris beaucoup de temps à développer. Et surtout, je rebondis sur ce que tu disais sur les ventes, ça veut dire aussi que Breath of the Wild a été joué presque principalement par des gens qui ne jouaient pas à Zelda avant, ou qui ne connaissaient exactement. Pas, ou qui connaissaient très mal l'univers. Parce que si on est à 9 millions pour le plus vendu précédemment, ça veut dire qu'il y a encore 20 millions qui sont arrivés, qui ne connaissaient pas cet univers, ou qui n'avaient pas acheté de jeu Zelda avant, et qui sont tombés dedans avec bonheur. Et sauf si ils l'ont acheté 3 fois chacun. Oui. Et justement, ces néophytes, parce qu'il y a encore énormément de monde sur la planète qui n'a jamais touché ce Zelda Breath of the Wild. Donc, comment expliquer la rencontre que l'on peut faire avec ce jeu à un néophyte qui n'aurait jamais vu à quoi ça ressemble? Comment lui expliquer ce principe de monde ouvert c'est complètement... C'est un peu comme si vous découvrez un pays que personne ne connaît. Il y a déjà des habitants et tout ça, mais en gros, il n'y a jamais eu de touristes et vous êtes le premier touriste dans ce pays. Et c'est ça. En fait, Breath of the Wild, pour moi, c'est ça. C'est vous arrivez, c'est une espèce de... C'est une terre qui a, qui s'est développée, qui a son histoire, un peu, à la fois sombre et avec des éléments joyeux, qui a son folklore, qui a ses recettes de cuisine, qui a son univers, qui a son relief, qui a tout. Et vous débarquez là-dedans, et c'est toujours enfin l'astuce un peu classique du héros amnésique qui revient 100 ans après les événements qui se sont passés, c'est-à-dire que vous êtes placé dans la position du personnage qui lui-même ne sait pas très bien dans quoi il met les pieds, et donc le personnage est à l'image du joueur, il est là pour découvrir. Et vraiment, c'est ça, imaginez découvrir un pays que vous ne connaissez pas, qui n'a jamais été touché par aucune personne extérieure, dans lequel vous allez être accueilli soit à bras ouverts par endroits, soit avec des haches et des épées dans d'autres, et vous allez vous plonger là-dedans. Et je trouve que c'est très bien rendu. Il y a une publicité australienne pour Tears of the Kingdom qui fait beaucoup le buzz en fait depuis quelques jours, et c'est assez marrant parce que généralement les publicités pour les jeux vidéo et pour les Zelda en particulier misent beaucoup sur la nostalgie, sur le côté regardez, ça va vous rappeler votre enfance quand vous jouez à Zelda et tout ça. Et là, pas du tout. On se retrouve face à un Quadra, un Quinca qui rentre du bureau, qui est dans son costume, qui est un peu fatigué, qui se met devant la console et qui d'un coup se met à fabriquer un radeau. Et il a une étendue d'eau, il comprend qu'il ne peut pas la traverser, il prend des rondins de bois, il fabrique un radeau et puis il traverse son truc. Et on le voit tout content d'apprendre juste à faire quelque chose que les humains font depuis la nuit des temps. Mais lui, il a appris à le faire comme ça. Et quand il ressort, il prend son bus et là, au lieu de bêtement attendre d'arriver à sa destination, il commence à regarder dehors et il se dit « Mais c'est ça, en fait !» Il voit l'extérieur, il voit l'océan et il comprend qu'en fait, il a retrouvé son goût de l'aventure. Et je trouve que cette pub, elle est géniale parce qu'à la fois, elle dit bien ce qu'on ressent face au jeu, vraiment, ce que ça va vous apporter, mais y compris dans le monde réel, cette espèce de part d'émerveillement qui revient. Et en même temps, je trouve ça très très malin aussi de parler. Enfin, ça montre qu'on parle à des gens qui sont pas forcément joueurs. Ça dit que ce Zelda, comme le précédent, a pour ambition de vous dire, si vous avez été enfant un jour, que vous avez eu le goût de l'aventure, que vous avez aimé explorer une forêt ou un truc, ou avec un petit bâton à la main, c'est ça. C'est ça que vous allez ressentir en jouant à ce jeu. Tout à fait. Et moi, je vais aller même plus loin. Je pense que les bons jeux vidéo se marquent aussi, se reconnaissent aussi de la façon qu'ils ont d'impacter notre quotidien et la façon dont on voit le monde autour de nous. Et c'est vrai que Breath of the Wild, je parle à la fois de mon expérience personnelle, mais aussi de beaucoup de témoignages qu'il y a eu. Depuis quand on a joué à Breath of the Wild, on voit plus la nature de la même manière. C'est-à-dire que Breath of the Wild nous apprend à avoir le goût, parce que notre vie quotidienne ne nous pousse pas forcément à avoir une logique d'exploration. Là, on est à Paris. Moi, j'explore très peu Paris. Hein. Ma carte d'open world de Paris, elle est très, très, très vide. Hein. Mais par contre, quand Breath of the Wild nous apprend à regarder vers l'horizon et à dire, voilà, il y a un truc qui m'arrange. Ah, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? J'ai un panorama, qu'est-ce que je vois? Et est-ce que je peux y aller? Et en fait, la grande force de Breath of the Wild, par rapport à beaucoup d'autres jeux vidéo, c'est d'avoir réussi à mobiliser notre curiosité et notre envie de voir l'environnement autour de nous. Je trouve que ça, c'est une richesse en termes d'expérience que très peu d'œuvres ont réussi à atteindre. Jeux vidéo, très très peu, et même en termes de films et de littérature, c'est très très rare d'arriver à créer ça, d'arriver à avoir tellement apprécié un jeu, ou en tout cas d'avoir été tellement marqué par un jeu, que notre conception de l'espace autour de nous est légèrement changée. Oui, parce qu'en fait, dès le début, quand Link se réveille dans cette grotte et découvre le monde tel que le joueur va le découvrir, le monde d'Hyrule, on voit à l'horizon des endroits où on pourra effectivement se rendre, mais il n'y a pas forcément de route. Il y a des grandes plaines, des plaines qui sont vides, là où habituellement, dans les jeux vidéo, en monde ouvert, on a énormément de points d'intérêt. Sur la carte, il faut des fois monter en haut d'une antenne, d'une tour pour débloquer une partie de la carte. Et là, il y a plein de micro-missions. Donc finalement, on n'est pas si libre que ça. C'est-à-dire que tout est très encadré, alors que Breath of the Wild, pas du tout. Il y a d'ailleurs cette idée qu'on peut même aller directement à la fin du jeu, très rapidement, si on en a les capacités et l'envie. Mais il y a cet horizon naturel que l'on ne voit plus parce que justement on est dans des métropoles qui très vite définissent la topographie d'un environnement, et là c'est presque une civilisation avant les autoroutes, avant les nationales, avant les zones commerciales autour des grandes villes, etc. Et je trouve que à bien des égards, on a parlé de Animal Crossing comme le jeu du confinement, Mais le jeu qui précédait ça et qui, encore aujourd'hui, avec Tears of the Kingdom, crée cette idée de retour à une nature perdue, c'est Zelda. Et est-ce qu'il y a aussi cette idée-là d'évasion d'un environnement trop domestiqué aujourd'hui ? Bon, alors déjà, c'est sûr que s'il y a un jeu pour lequel la phrase « on n'a pas besoin, là où on va, on n'a pas besoin de route » fonctionne, c'est effectivement bien Breath of the Wild. Mais au-delà de ça, je sais pas en vrai. C'est une très bonne question, cette idée de dompter. En fait, le truc, c'est que pour les réalisateurs et les producteurs du jeu, le vrai ennemi, enfin bon, il y a effectivement Ganon qui est le méchant mythique de Zelda, mais pour eux l'ennemi ça a toujours été, enfin les vrais adversaires du jeu ça a toujours été les énigmes. Et là en fait ils ont fait en sorte que l'énigme, enfin le vrai adversaire c'est l'environnement. Et il y a un truc très satisfaisant dans Zelda, je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est que finalement en fait, bien sûr qu'il y a des monstres et bien sûr que on fait des choses pas très agréables. Des beaux gobelins. Voilà, des beaux gobelins, et que bon. Bah, ils sont sur le chemin, on avait une épée, et il arrive ce qui arrive, quoi. Mais surtout qu'en plus, en général, ils ont tendance à vivre leur vie tranquillement. Ouais. Moi, je me sens horrible. Hein. Ouais. Mais on peut totalement les laisser tranquilles. Oui, hein, 90% des cas. Ouais. Après, on peut pas discuter avec eux, ça, c'est un problème. Mais un pas vers vous, un pas vers nous, mais bon, voilà. Mais du coup, non, le vrai adversaire du jeu, en vrai, c'est l'environnement. Un peu comme en fait ce qu'on a au quotidien, mais il faut réussir à dompter son environnement, il faut réussir à comprendre la logique, la géographie, la topographie, comprendre quels outils on a, se procurer les bons outils, et ça c'est vraiment excitant. Ça, là il y a un côté vraiment... Finalement, gravir une montagne est quasiment un méchant dans le jeu, c'est ce qu'ils ont dit dans l'interview qu'on a fait avec eux, c'est que gravir une montagne est presque autant un adversaire que Ganon. Quoi. Oui, parce qu'il y a aussi non seulement l'endurance de Link, le personnage à prendre en ligne de compte, parce que contrairement à bien des personnages de jeux vidéo qui sont capables de courir voilà, pendant des heures sans jamais être fatigués. Comme nous. Et Link, lui, a une jauge d'endurance qui s'amenuise au fur et à mesure qu'il fait de la varap, qu'il utilise son paravoile, une sorte de cap parachute qui lui permet de sauter d'une falaise et évidemment d'éviter de se vautrer au sol. Et donc il y a aussi cette dimension de l'endurance à prendre en compte et aussi du climat. Parce que alors, autant il y a des gens qui sont opposés, qui ne croient pas au réchauffement climatique, dans Zelda, c'est avéré que il y a des endroits où il va falloir plus se couvrir que d'autres, et dans d'autres où dans lesquels il fait très très chaud, donc vous ne tiendrez pas non plus, et ça nuira à votre endurance. Oui, tout à fait. Moi, l'ennemi que je hais le plus, et qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est les falaises mouillées. Qui, quand on les gravit, on tombe, ce que je trouve idiot, puisqu'on a inventé, par exemple, des gants, mais bon, je suis pas créateur de jeux vidéo, mais... De quoi ? Pas dans le jeu, ils ont pas. Et ils ont pas de gants dans le jeu. Ils ont des technologies très avancées, mais pas les gants. Ils ont des tablettes, on peut se téléporter, mais des gants, non. Ça, c'est beaucoup trop avancé pour nous. Mais pour le coup, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment l'environnement est un adversaire. Ce que je trouve incroyable dans Breath of the Wild, et ce qui vraiment nous ramène aussi à notre condition de personne dans un monde et qui nous fait relire le monde d'une manière plus chaleureuse, je trouve, c'est que oui, l'environnement est hostile, mais déjà, l'environnement est magnifique. On découvre qu'il est hostile et on arrive à triompher de son hostilité. Et c'est un sentiment d'accomplissement qui est extraordinaire. Le premier moment où effectivement on arrive, on se fait cramer parce qu'on est sur un volcan, on fait « Ah oui, effectivement, un volcan, c'est chaud !» Et que on s'équipe, on monte ses stats pour y arriver et qu'on arrive à dompter le volcan. J'ai pas fait l'Everest, évidemment, je pense que c'est pas comparable, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Il y a aussi ce rapport à la faune et la flore. On retrouve évidemment le cheval mythique de Link, mais on trouve aussi d'autres chevaux. On retrouve le fameux Epona, le cheval de Link. Mais contrairement à beaucoup d'autres jeux dans lesquels tout a une logique utilitariste, le cheval ne se domestique pas immédiatement dès qu'on monte dessus. Si jamais il a envie d'aller à droite, alors que nous on voudrait aller à gauche, on sent une résistance. Et même dans la manière de cuisiner les aliments, on peut aussi choisir d'avoir une alimentation totalement végétarienne. D'habitude c'est non, il faut faire rôtir ce morceau de viande. On peut même tomber dans la junk food très très vite. Oui, exclusivement de la viande de très mauvaise qualité. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est valable pour la nourriture, mais pour à peu près tout en fait dans le jeu, c'est que plus globalement dans Breath of the Wild, rien ne vous est jamais indiqué clairement. qui, en fait, quand on y pense, alors, dans une logique de jeu vidéo, ça paraît pas logique, parce que normalement, le jeu vidéo est censé vous guider un minimum, vous dire, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Mais Breath of the Wild fait l'inverse. Il vous dit, bon, bah, vous pouvez faire plein de choses, à vous de les découvrir. Et notamment sur la cuisine, ça va être beaucoup, beaucoup de ratage avant de devenir le Paul Bocuse d'Hyrule. Ça va être très compliqué au début. C'est-à-dire qu'au début, vous allez vraiment faire juste des salades de fruits un peu basiques et pas grand chose. Puis après, vous allez comprendre qu'en mettant tel ingrédient, ça va changer telle statistique, des choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans Breath of the Wild, parce que tout ce qu'on décrit là comme mécanique de jeu, c'est pas forcément des mécaniques qui sont totalement originales ou créées pour ce Zelda. Le fait de faire de la nourriture, ça a été fait dans d'autres jeux, la jauge d'endurance, ça a été fait dans d'autres jeux. Mais ce qui fait le génie de Breath of the Wild, c'est de prendre tous ces éléments et de les rendre évidents. C'est-à-dire que d'un seul coup, non seulement ça paraît logique dans l'univers global, quand on y pense un petit peu, c'est logique aussi en termes d'implication du joueur et de gameplay, c'est-à-dire que la jauge d'endurance n'est pas là gratuitement, elle est là pour nous mettre une petite limite aussi à notre capacité d'exploration, et du coup pour donner la satisfaction quand on commence à repousser cette limite d'avoir réussi à aller plus loin. Mais c'est des mécaniques qui sont reprises et qui paraissent tellement évidentes que du coup le jeu n'a plus besoin de nous les expliquer. Oui. Et donc, comme vous disiez dans votre introduction, Frédéric, on n'a pas ce côté didactique. Il n'y a pas ce côté, il y a un personnage à côté qu'on doit couper pour franchir le fossé. C'est d'ailleurs, moi, la première fois que j'y ai joué, une des choses qui m'a marqué, c'est que quand on doit justement traverser un fossé avec des arbres qui sont aux alentours, dans d'autres jeux, effectivement, l'arbre qui nous aurait servi serait beaucoup plus gros, aurait été éclairé d'une manière différente. alors que là, il y a plein d'arbres, on a même la possibilité d'en couper plein avant pour expérimenter le fait qu'avec une hache qu'on retrouve chez le bûcheron à côté, on peut couper des arbres. Mmh. Et c'est à nous de deviner lequel est le mieux placé pour que on puisse se rendre compte que le tronc y reste voilà, que il y a des on peut enlever les feuilles, qu'on va pouvoir que le bois y flotte potentiellement, enfin il y a plein de petites choses comme ça, et encore une fois c'est jamais expliqué clairement, ce qui fait que du coup c'est la grande force du jeu aussi, c'est que c'est un jeu qui nous donne l'impression d'être super intelligent, alors qu'en fait quand on connaît un peu le jeu vidéo et qu'on connaît les mécaniques pour impliquer le joueur, tout est calculé. Il y a jamais rien qui est fait totalement au hasard. Mais leur génie, c'est d'avoir caché en fait les petites aides qu'il y a dans le jeu pour nous donner l'impression à chaque fois qu'on découvre même le plus petit truc, genre voilà, couper un arbre, comprendre qu'on peut faire rouler un rocher du haut d'une falaise et que ça va détruire le camp des ennemis. Du coup, on n'a pas besoin d'aller les battre, hein, plein de choses comme ça, qui fait que à chaque fois on fait ah, j'ai réussi à casser le jeu. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Absolument pas. C'est totalement prévu. Mais ils ont été suffisamment malins pour vous donner l'impression d'être toujours plus intelligent ou d'avoir toujours un petit temps d'avance sur le jeu. Et c'est très, très gratifiant. C'est agréable, les jeux qui sont gratifiants comme ça. Et l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est d'habitude, dans les communautés de jeux vidéo, on est très archipélisé. C'est moi, j'aime les jeux de combat, moi, j'aime les FPS. Et là, avec Zelda Breath of the Wild, on a vraiment l'impression d'avoir un jeu qui a touché toutes les tranches d'âge, tous les genres aussi. Je connais énormément de femmes qui jouent à Zelda Breath of the Wild, et toutes conditions sociales. Il y a eu une forme de consensus autour de ce jeu. Et d'après vous, à quoi ça tient ? Alors, il y a deux choses. Déjà, là, on est dans une époque qui est très intéressante parce que je pense qu'effectivement, il y a des barrières de genre entre les jeux. Mais je pense que cette sanctuarisation qui était vraie à une époque est de moins en moins vraie. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui jouent. Là, déjà, maintenant, on voit ça avec le prochain Final Fantasy, par exemple, où les genres se mélangent les uns aux autres de manière encore plus organique qu'avant. C'est-à-dire que le prochain Final Fantasy est un jeu inter-RPG, bien sûr, mais c'est aussi un jeu d'action. Et qu'il y a des gens qui adorent les FPS, qui vont passer des centaines d'heures dans Animal Crossing ou dans Minecraft à faire du social. Bref, même Fortnite, maintenant, c'est plus un jeu de shoot uniquement, mais il y a aussi tout un hub social et créatif. Donc, les genres se mélangent et Zelda a déjà compris ça, puisque du coup, ils sont au croisé du jeu d'aventure, du jeu de construction maintenant, du jeu de combat aussi. Il y a vraiment des combats. Mais au-delà de ça, je pense que le côté transpassionnel, je pense que ça n'existe pas, mais le côté... On est là pour faire évoluer l'angle. Exactement. Et comme Nintendo fait avancer le jeu. Mais du coup, je pense que ce côté-là vient du fait que Nintendo met souvent les bases à plat quand il fait de grands jeux. Les jeux Nintendo se portent le mieux, je pense, que quand ils vont innover. Et cette innovation-là, je pense qu'elle dépasse la notion de genre. Les joueurs et les joueuses, quels qu'ils soient, vont avoir tendance à aller vers quelque chose de nouveau et vont rester dans leur genre de prédilection quand leur genre de prédilection leur offre les expériences qui existent déjà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais globalement, si c'est nouveau, il y a une prime à la nouveauté, vas-y, on essaye. Alors qu'effectivement, si c'est un RPG comme on en a vu d'autres, bah, moi je vais adorer, mais peut-être que ceux qui sont moins fans vont moins aimer. J'ajouterais que le côté nouveau, on pourrait penser que c'est une stratégie très élaborée à Nintendo et que c'est très malin de leur part. Il faut oublier que c'est très très très risqué. C'est-à-dire que en Breath of the Wild, quand on commençait à voir les premières images, à comprendre comment ça allait être, faut voir quand même que c'est un jeu qui prenait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui prenait toutes les bases de ce qui faisait un bon Zelda et donc de ce qui plaisait aux fans. Donc en gros, les 9-10 millions dont on est sûr qu'ils achètent le jeu, là d'un seul coup, on prenait tout ce à quoi ils étaient habitués et on le cassait complètement. C'est-à-dire que pour situer ne serait-ce qu'un truc très simple, mais dans la structure d'un Zelda un peu classique depuis le premier épisode, c'est des successions de séquences. En gros, on alterne entre des phases où on explore le monde dans des sortes de zones un peu délimitées quand même, pas trop, qui en fait sont des accès vers des donjons qui permettent de battre un boss, de trouver un nouvel objet qui permet d'accéder à une autre zone. Breath of the Wild casse complètement ça. Il n'y a pas de donjon dans Breath of the Wild. Il y a des sortes d'équivalents, mais c'est pas vraiment ça. Sanctuaire. Voilà. Mais en gros, il dit tout de suite, non, mais là, vous avez accès à tout. Vraiment, dès le début, si vous voulez aller voir un sanctuaire, vous allez voir un sanctuaire. Si vous voulez aller battre un boss, vous allez battre un boss. Mais vous pouvez totalement passer à côté. Vous pouvez aller directement au château. Vous pouvez ne jamais y aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, quand on a un public fidèle auquel on est habitué, c'est très compliqué. Après, ce que disait Thomas est très juste aussi, c'est que les fans de Nintendo attendent aussi ça. C'est-à-dire qu'un jeu Nintendo qui n'innove pas complètement... Alors, on aime bien revenir à des trucs, aux petites habitudes, les choses comme ça, mais on a toujours cette petite déception quand ça n'innove pas suffisamment, et à l'inverse, quand ils arrivent à innover, ils font ça tellement bien que voilà. Et surtout... on parlait beaucoup des différences avec les précédents épisodes, ça reste quand même profondément un Zelda. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début sur Breath of the Wild parce que j'étais perturbé dans mes habitudes. J'ai vu d'autres gens y jouer qui aimaient pas forcément les Zelda et je me suis dit, et c'est presque là que j'ai compris en fait l'intérêt du jeu et j'ai commencé à m'y mettre vraiment. Et quand on progresse suffisamment, on arrive à la moitié ou au bout de l'aventure, on n'a pas l'impression d'avoir joué à autre chose. Mmh. On se dit, ça ne ressemble absolument pas, mais en rien aux Zelda précédents. Et pourtant, c'est profondément un épisode de Zelda, ne serait-ce que dans l'esprit, ouais. Dans le côté proposer une grande aventure, et en ajoutant ce truc qui est que ça propose une aventure qui n'est pas préécrite, mais que vous écrivez vous-même au fur et à mesure du truc, vous écrivez vos anecdotes. Si je peux juste compléter par rapport à l'innovation, parce qu'il faut quand même nuancer aussi le propos, bon, chaque Zelda innove par rapport au précédent, mais Breath of the Wild est arrivé à un moment donné où la franchise commençait un peu à décliner en matière de succès critique. Il y a eu Skyward Sword avant, oui. Sur Wii et Twilight Princess, et les deux jeux avaient été reçus positivement, hein, c'est vraiment de très bons jeux, quoi qu'il arrive, mais les fans étaient quand même un peu sur leur faim. Donc je pense que Nintendo s'est dit, si on refait un troisième jeu là-dedans, la franchise va commencer à cristalliser sur place, quoi. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice, toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. L'âme de pureté, venue de... C'est un peu lugubre, non ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant ? Par-delà les mers, dans sa quête du pouvoir d'or. Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. En ce jour et pour elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. On vient d'entendre la princesse Zelda, interprétée en français par la comédienne Adeline Chetaille. Et on a entendu également les prodiges, avec notamment Darouk, qui est lui interprété par Jérémy Covillo, Urbosa, interprété par Laetitia Lefebvre, Revali, interprété par Hervé Grulle. Et je crois que c'est tout. Si j'en oublie, eh bien, je me fouetterai à coup de branche de bille. Qui double Link Ah oui, alors Link, mais justement, parce qu'il y a plein de gens qui l'ignorent, mais Link est un héros taiseux. C'est-à-dire que le Link est même l'anti-héros par excellence. Je lisais en préparant cette émission que les concepteurs avaient même mis un point d'honneur à rendre Link beaucoup plus fade afin qu'il n'ait pas trop de personnalité. Et donc comment on explique aussi ce rapport du le héros silencieux, c'est exactement le héros qu'il nous faut. Ils l'ont basé sur moi, je pense. C'est parce qu'il faut que le joueur puisse se projeter, hein, tout simplement. C'est que plus vous avez un héros qui... Plus vous avez un héros qui a une forte personnalité, plus vous allez l'apprécier, certes, mais plus vous aurez l'impression de le regarder vivre ses aventures et pas de vivre l'aventure vous-même. Et donc, c'est l'anti-Kratos. Cette astuce permet de faire... C'est totalement l'anti-Kratos, ouais. Ce qui pose question, hein, c'est-à-dire qu'il y a une petite contradiction dans les termes à ce niveau-là, c'est que, effectivement, c'est leur volonté de faire un insert, donc un personnage dans lequel le joueur s'identifie. Le truc, c'est que Link est quand même c'est un elfe, d'accord, mais c'est quand même un homme, et il est très blanc, et il est très valide, et du coup, là-dessus, Zelda a une petite ligne de retard. Et je pense que c'est un truc que Nintendo n'a pas réussi à craquer encore, c'est que, oui, d'accord, c'est un insert, et il faut que le joueur s'identifie. Le problème, c'est qu'on est à une époque où il y a des centaines, des milliers de jeux qui proposent des personnages customisables, personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut faire son propre personnage, on peut le faire pas forcément blanc, on peut le faire pas forcément juste un homme, pas forcément binaire, etc. Pokémon le fait depuis 99. Pas forcément maigre. Pas forcément maigre, bien sûr, mais Pokémon, c'est-à-dire que Pokémon permet de choisir le genre et la couleur de peau de son personnage, le genre depuis 99, la couleur de peau depuis, je crois, 2013, un truc comme ça. Oui, c'est un peu plus récent. Pokémon met une pilée à Zelda sur ce coup-là. Et pour le coup, je pense que Nintendo est sans cesse cette contradiction que Link est un personnage iconique, ça fait partie de Zelda. C'est impossible d'imaginer Zelda sans Link. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a plus de gens qui disent « Vous savez que Link est un garçon ?» Il y a moins de gens qui disent « Vous savez que Zelda, c'est pas le joueur que de gens qui le savent ?» C'est pas très clair, mais vous avez l'idée. Oui, on est mais on ne peut toujours pas personnaliser. Link est à la fois la pierre de voûte de Zelda, mais c'est un insert, et en tant qu'insert, il fait pas très bien son travail parce que si c'était vraiment un insert, on pourrait créer son propre aventurier. D'autant, il y a eu pendant assez longtemps une rumeur comme quoi, d'ailleurs, dans la suite de Breath of the Wild, Link serait personnalisable. Oui, mais et même Zelda. Finalement. Et même Zelda jouable. Et Zelda jouable. Et d'ailleurs, ce qui a déjà été le cas dans un très mauvais jeu. Mais et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est parcellaire de Breath of the Wild, parce que en fonction des endroits que vous allez visiter, vous aurez des éléments d'histoire qui arriveront peut-être de manière totalement aléatoire et non chronologique, parce que vous découvrez des morceaux du passé de Link au fur et à mesure de vos explorations. Ça a été voulu dès le départ, que l'histoire ne soit pas linéaire. Mais en recoupant l'histoire de Breath of the Wild, on se rend compte que ce dont Thomas parle, Nintendo en est tellement conscient, vu que Zelda elle-même, dans cette histoire, est une jeune fille qui doit faire ses preuves et qui a un pouvoir qui n'est pas encore réveillé, donc tout le monde la met en doute sur ses capacités à être à la hauteur de la tâche. Et comme elle n'a pas encore eu cette faculté de réveiller son pouvoir sacré, on lui met entre les pattes le chevalier d'Hyrule, taiseux, qu'incarnait Link, et elle le vit très mal. C'est-à-dire que pour elle, à chaque fois qu'elle est protégée par Link, au tout début, elle considère que c'est la société qui lui renvoie en face. T'es pas à la hauteur, fille. Et donc, c'est intéressant de voir que les éditeurs, les créateurs du jeu ont compris ça. Mais néanmoins, Zelda reste quand même cette princesse qui doit être sauvée par Link. Il y a ce paradoxe aussi, Olivier Bénis. Est-ce que Zelda doit être sauvée par Link ou est-ce que c'est l'inverse? C'est ça toute la question, notamment sur cet épisode. Mais sans spoiler particulièrement, mais en fait, Link a été sauvé par Zelda, qui elle-même a scellé Ganon pendant le siècle suivant pour que Link puisse revenir ensuite. Mais 99% du boulot a été fait par Zelda et en fait, vous arrivez presque sur la fin pour faire la touche finale. Mais c'est très intéressant parce que justement cette narration, en fait, c'est très compliqué de faire de la narration dans un jeu ouvert. Parce que, par définition, vous laissez le joueur très libre, alors que, en tant que concepteur de jeux vidéo, et notamment en tant que scénariste, vous avez envie qu'il passe par des étapes obligées pour comprendre l'histoire. Et là où ça a été très malin, c'est effectivement de faire ce petit système où, en gros, vous êtes totalement déconnecté de l'histoire qui s'est déroulée il y a 100 ans, puisque vous avez été off amnésique pendant toute cette période et vous êtes amnésique. Vous allez retrouver des souvenirs au fur et à mesure liés à des endroits précis. Encore une fois, hein, on joue beaucoup sur c'est l'environnement qui fait progresser l'histoire, toujours. Et ces souvenirs, vous allez retrouver forcément, à moins que vous ayez un énorme coup de bol, dans le désordre. Ce qui fait que vous allez tomber sur des souvenirs où Zelda va être très proche de Link, va être très dans l'empathie envers lui, et d'un seul coup, le souvenir d'après, elle va le détester, vous savez pas pourquoi, et vous allez comprendre au fur et à mesure cette espèce de poids social qu'on lui a imposé, mais que finalement ils apprennent à s'apprivoiser l'un l'autre, etc. En fait, vous avez une comédie romantique, mais racontée dans le désordre, à travers les souvenirs du type qui arrive 100 ans après, et la princesse n'est plus là. Voilà. Mais c'est très malin, en fait, dans la narration, et donc, ça permet de pas obliger le joueur à se plaquer sur l'histoire, à vraiment le laisser construire son propre truc, à lui donner des éléments de contexte sur ce qu'il est en train de faire et sur l'aventure qu'il est en train de vivre, mais à le laisser écrire ses propres petites histoires à travers tout ça, à relier les points en fait et à faire ce qu'il veut. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très fort chez Elden Ring de From Software. J'allais citer les From Software en général. Qui fonctionnent de la même manière. Moi je voulais juste dire que le scénario de Breath of the Wild, le héros amnésique qui se réveille dans un environnement après avoir échappé à des événements, enfin en tout cas après avoir un cataclysme qui l'a amené à être amnésique et ensommeillé pendant très longtemps et qui doit parcourir l'environnement pour retrouver des souvenirs, pour remettre... C'est le scénario de Very Bad Trip, en fait. Avec moins de Mike Tyson. C'est vrai. Encore que... Encore que, Ganon, encore que, peut-être. Encore que. Satoru Takizawa, le directeur artistique, a concédé avoir des craintes sur l'identité graphique de ce Zelda avant sa sortie. Parce que c'est vrai que Link, tout le monde imagine cet elfe avec cette tenue verte et ce chapeau pointu caractéristique. Or, dans Breath of the Wild, on le retrouve en slibard. Et ensuite, sa tenue fétiche, c'est une tunique bleue. Alors, il peut en changer, hein. Mais on a aussi, même visuellement, un Link qui est très différent. D'ailleurs, dans les illustrations qui accompagnent le livre qui parle de la genèse de ce jeu, on voit le Link originel, vert, avec son épée, bouclier de la Triforce, qui tend son épée à ce Link plus grand, tunique bleue. Il y aurait presque toute une émission à faire sur les choix artistique de Zelda. Zelda, alors je dirais pas que c'est la première série, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que c'est une des premières séries majeures à avoir fait l'inverse de ce que faisaient beaucoup les développeurs de jeux vidéo, c'est-à-dire à avoir fait des partis pris graphiques directement liés à ce qu'ils voulaient raconter. Et pas uniquement la course à la technologie, la course au plus réaliste. Le meilleur exemple étant évidemment Wind Waker sur GameCube. Oui. C'est un moment où en gros la concurrence Sony, Xbox, Sega mise sur de plus en plus de réalisme parce qu'on commence à avoir des capacités sur les consoles qui permettent de faire vraiment des très beaux graphismes, d'aller vers quelque chose de plus sombre, de plus réaliste, de plus comment dire, de plus proche du réel, quoi, tout bêtement. Et Wind Waker arrive et c'est un style cartoon. C'est-à-dire que des plat de couleurs, des choix vraiment très tranchés, des trucs très colorés et tout. Et ça perturbe tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde à l'époque se dit « Ouah, non, ils vont dans une... Enfin, c'est bizarre, ils refont des trucs pour enfants et tout ça. » Sauf que les gens qui sont arrivés au bout de Wind Waker, et encore plus maintenant avec la postérité que ça a eu, c'est peut-être un des Zelda qui vieillit le mieux. Parce que justement, le choix de ce style graphique est totalement lié à l'histoire qu'ils veulent raconter, qui est une histoire de dessin animé, qui est avec un grand sorcier. Enfin, c'est très Disney, en fait, dans la manière de raconter l'histoire. Donc, il fallait que ce soit très Disney aussi dans le visuel. Ce qui fait que par rapport à des jeux de la même époque, on peut rejouer à Wind Waker aujourd'hui sans jamais se dire c'est moche ou c'est daté, alors que essayer de rejouer à un jeu PS2 de l'époque, à peu près du même niveau, il y a de fortes chances que vous grinciez un peu des dents parce que oui, ça essaie d'être réaliste, mais enfin bon, le réalisme de l'époque, c'est pas le réalisme d'aujourd'hui ni rien. Donc, Nintendo a fait ce pari, et il l'a fait très souvent avec Zelda, de dire il faut que l'identité graphique du titre soit liée à ce qu'on veut raconter. Et Breath of the Wild, c'est un peu pareil. Bon, sauf qu'il y avait moins l'effet de surprise qu'il y avait eu avec Wind Waker. Mais voilà, et c'est pas pour rien que c'est Aonuma aussi qui a bossé sur Wind Waker, qui a bossé sur Breath of the Wild. Et effectivement, je pense que c'était lié à ce qu'il voulait raconter. Il fallait que ce soit, comme on est dans un rapport très, très pur et très direct avec la nature, il fallait que ce soit épuré, il fallait qu'il y ait un link avec justement cet aspect. Alors, on n'est plus sur de l'aspect cartoon, mais on est quand même sur un aspect assez naïf dans le dessin, dans les choses comme ça, même dans les architectures des maisons, même dans la nature, dans la manière dont sont construits les arbres. C'est pas un jeu réaliste, Breath of the Wild. Ah non, on est beaucoup plus proche d'un animé. C'est plus un Miyazaki. Voilà, oui. Si on devait faire une comparaison, ce serait vraiment du studio Ghibli, quoi. Mais ça va avec ce qu'il veut dire en fait dans le truc. Donc c'est pas choquant. Et je pense aussi que Breath of the Wild, ce que je vois, ça m'agace toujours. Mais je voyais des critiques ce matin justement sur Tears of the Kingdom qui disaient oui, c'est un peu daté graphiquement et tout. On s'en fout que ce soit daté graphiquement. Ce qui compte, c'est que la patte soit là. La patte, elle est là, et c'est ça qui va compter ensuite. Et c'est ça qui fait qu'on va être immergé dedans. Parce que c'est vrai que quand on regarde Zelda Breath of the Wild, quand on regarde les parties pris graphiques, les tenues, même l'arborescence des menus, les objets, les pommes, les champignons tels qu'ils sont dessinés, il y a quelque chose de très élégant chez Zelda Breath of the Wild. Thomas Hercouet. Oui, la direction artistique est incroyable. Encore une fois, pour le coup, ils le savent depuis des années, puisque je pense que les premiers jeux, évidemment, de la première trilogie, avait cherché cette DA un peu conte de fées, peut-être plus traditionnelle, qui l'a puisé un peu dans l'imaginaire des contes de Grimm, etc. Après, on est arrivé avec les Link's Awakening dans quelque chose de plus ésotérique, qui a commencé à vraiment questionner la direction artistique propre et comment créer quelque chose de nouveau. Et là, maintenant, je pense que Breath of the Wild est pareil. Ils sont dans cet équilibre entre c'est quoi une aventure et un conte aujourd'hui et comment on crée quelque chose qui nous appartient. C'est pour ça qu'on a ce mélange qui évoque à la fois les meilleurs Ghibli, hein. Il y a du Mononoke, il y a du Chihiro là-dedans, et en même temps qui a sa propre identité. Je veux dire, moi, le coup de génie, et je m'en remets pas, hein, c'est la tablette Sheikah. Ils ont réussi. Et c'est un coup de force, hein. Ils ont réussi à avoir un univers qui est merveilleux, onirique, quasiment médiéval, et à mettre un iPad dedans. Et ça marche. Il y a des motos. C'est la technologie ancienne. Oui, c'est ça. Et c'est cohérent, et ils ont réussi à rendre ça cohérent. Et les artistes qui ont travaillé sur ce jeu, au-delà de l'influence, qui ont pris les influences et les ont fait leur, on pourrait parler de la musique pendant des heures aussi, mais ces gens-là sont des artistes, et ce qu'ils ont réussi à faire est extraordinaire. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour ? Savez-vous comment il vous considère ? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris ? Oui. Ah, des mots difficiles, hein. C'est de la parentalité positive. Encore un grand exemple. On vient d'entendre le roi d'Hyrule, le roi Roam, qui est interprété en français par, je vais vous donner son nom, parce que je l'avais sous les yeux. Mais vous savez quoi? Parce que j'aime bien garder du suspense dans Blockbuster. Je vous le donnerai un petit peu plus tard, le nom du roi Roam. Parce que je l'ai perdu, parce que je regardais les prochaines questions. Et en fait, quand ils ont créé Zelda Breath of the Wild, je disais qu'un des enjeux principaux pour les concepteurs, c'était de permettre aux joueurs de comprendre l'idée de vent, mais même aussi d'odeur, et de rendre ça intelligible pour le joueur. Et de la même manière, suite à Skyward Sword, qui permettait à Link, le précédent Zelda, de tomber du ciel et de visiter des territoires qui se trouvaient donc sur la terre ferme, le but, c'était de trouver un environnement qui permette de lier tous ces petits îlots les uns avec les autres. Et tout ça sur une Nintendo Switch. Et je trouve que ce qui est assez intéressant quand on voit la conception de ce jeu et les ambitions qui étaient celles des éditeurs, c'est que sur le papier, logiquement, ça ne tient pas avec une Switch. Et pourtant, il y a eu de cesse de repousser ce que cette machine pouvait faire dès le départ. Il faut rappeler, donc pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément le côté technique, que la Switch, donc, est la console à moitié portable, à moitié salon de Nintendo, est une console qui est moins puissante que ses homologues actuels, nettement moins puissante que peuvent l'être la PS5 et la Xbox Series, voire que la Xbox One et la PS4, donc la génération précédente. Donc, toute création de jeu sur un tel support impose des contraintes, nécessairement. Nintendo est très fort pour contourner les contraintes, ça a toujours été le cas, y compris sur les Zelda d'ailleurs. Enfin, quand on voit Ocarina of Time par exemple, c'est sur la Nintendo 64 à l'époque, c'est une console qui pour l'époque était très puissante, mais qui avait quand même de sacrées limitations en termes de d'affichage 3D et tout ça. Et donc il fallait trouver des astuces, et l'astuce c'était, comme je le disais, c'était de garder cette structure avec des zones assez réduites dans lesquelles on passe d'une zone à l'autre avec des petits tunnels. Là, la Switch était quand même suffisamment puissante pour permettre un vrai monde ouvert, c'est-à-dire de pas avoir besoin, c'est-à-dire que si vous jouez à Breath of the Wild, vous n'aurez pas des écrans de chargement, vous allez toujours être immergé dans le jeu, il n'y aura jamais de transition entre les zones que vous explorez, vous avez une zone unique gigantesque. Mais c'est difficile. Et le parti pris, je parlais tout à l'heure du choix artistique, du parti pris graphique, on sait aussi qu'il y a il y a une contrainte dans tout ça. C'est-à-dire que le parti pris artistique est fort justement pour compenser le fait que technologiquement, on sait qu'on va pas être au même niveau que va l'être un Horizon sur PS4 ou sur PS5 ou des choses comme ça. Et Thomas Hercouet ? Oui, Nintendo a un ingrédient secret en fait. Et cet ingrédient secret, on rentre un petit peu dans des spécificités, mais cet ingrédient secret s'appelle Monolith Software. Mmh. Monolith Software, ils ont développé un jeu sur Wii, ils ont développé une série qui s'appelle Xenoblade. Et Xenoblade, le tout premier Xenoblade, avait ce premier monde ouvert gigantesque sur Wii. Et la Wii, c'est une console qui n'était pas hyper puissante à l'époque, et ils ont réussi cette prouesse technique hallucinante de faire ce monde, cet open world incroyable. Encore Xenoblade Chronicles. Oui, pardon, Chronicles, exactement, oui. Tout à fait. Et en fait, Nintendo a racheté Monolith, et une partie de l'équipe de Monolith Software, donc qui a travaillé sur ces jeux Xenoblade avec ces mondes ouverts incroyables, ont travaillé sur les Zelda. C'est quelque chose qui est pas forcément su. Voilà une petite anecdote que je vous livre. Si vous avez adoré l'open world de Zelda, mettez un pied dans Xenoblade. D'autant qu'il y aura cet été un blockbuster consacré à la saga Xenoblade. Oh, voilà, qui est pour moi un petit peu l'oméga du jeu de rôle japonais, avec une autre licence chère à... Mais c'est vrai qu'on retrouvait dans le premier Persona. On se connaît, Persona, voilà. Dans le premier Xenoblade Chronicles, on retrouvait cet effet waouh quand on rentrait sur la première zone ouverte. Et comme tu disais, Thomas, c'est sur Wii, qui pareil, avait un retard technologique sur les autres, on avait cette espèce de truc avec des monstres gigantesques qu'on voyait 3 km plus loin en sachant qu'on allait pouvoir aller les voir. Enfin, il y avait vraiment cet effet-là. Et c'est vrai qu'on retrouve cette patte dans Breath of the Wild, ce petit côté. Si tu le vois, tu peux y aller. Voilà, oui. on va prendre de court le joueur, on va lui dire. Regarde tout ça, enfin c'est voilà, c'est Simba quoi. Tout ce que tu vois est à toi, est à explorer. Et d'ailleurs, cette immensité de plaine dans lequel il n'y a pas forcément d'arbres, pas forcément d'habitants, ou ces grands moments de traversée, on peut effectivement expliquer ça par la difficulté technologique de les rendre habités ou habitables. Mais en même temps, quand on pense à des jeux comme Shadow of Colossus ou un jeu comme Journey, où effectivement des fois on se promène comme ça, on déambule dans des plaines incroyables qui permettent l'introspection. Quid de ce qui était une contrainte technique ou quid de la poésie inhérente à Zelda Breath of the Wild? Et je me suis toujours demandé, la poule ou l'œuf? C'est ça, qu'est-ce qui relève de la contrainte ou qu'est-ce qui relève du vrai choix? C'est les deux, hein. C'est-à-dire que ils ont les contraintes, ils le savent. Je pense qu'ils testent beaucoup de choses. Je crois d'ailleurs que Breath of the Wild, le tout premier prototype qui avait été présenté, ils avaient tout fait en 2D parce que c'était beaucoup plus simple à gérer techniquement. Mais en gros, ils testaient leurs idées en 2D d'abord, et puis après ils disaient bon, est-ce qu'on peut les basculer en 3D sans faire exploser les consoles chez les gens, et généralement ça marche. Mais je pense qu'il y a, enfin voilà, après je sais pas vraiment comment ils fonctionnent, je suis pas dans leur tête non plus, mais je pense qu'il y a vraiment un côté, l'idée vient d'abord. Et après, on voit comment on la met en œuvre, même s'il y a des contraintes. C'est pas grave, on trouvera toujours un moyen de contourner un petit peu le truc. Il faut savoir aussi qu'il y a un truc, pour rentrer un tout petit peu les mains dans le cambouis, dans la technique, le jeu vidéo d'aujourd'hui est plus vraiment le jeu vidéo d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que il y a 20-30 ans, quand on voulait créer un jeu, il fallait développer tout de A à Z. Il fallait créer le moteur de jeu, les choses comme ça. Aujourd'hui, on a des technologies un peu partout. Des gens vendent des technologies, des choses comme ça. Le plus typique, c'est la technologie AVOC, qui est une technologie qui est possédée par Valve, si je ne dis pas de bêtises, donc les créateurs de Steam et de Half-Life, qui est une technologie qui permet de gérer la physique des objets, donc gérer la gravité, le fait qu'une sphère va rouler quand on la fait descendre, le fait qu'un cube va tomber, enfin le fait que des choses vont rebondir, des choses comme ça. Donc quand on a déjà ça sous le coude, que la technologie existe déjà, entre guillemets, il y a juste à l'intégrer et à dire, bon ben voilà, ma pomme, elle pèse tant, elle va tomber comme ça, mon arbre, il pèse tant, il va tomber comme ça. Voilà. Donc il y a plein de petits trucs qui font que ça aide. Il y a plein de contraintes d'un côté, mais il y a aussi plein de petites astuces et plein de petits outils et de boîtes à outils qui sont déjà toutes prêtes et qui permettent d'aller plus loin. Et je pense effectivement que Monolith aussi a dû arriver avec aussi des choses sous le coude de, bah oui, mais on a utilisé ça dans Xenoblade, on n'a qu'à faire comme ça, voilà. Donc, il y a un peu les deux, et je pense que la créativité est jamais freinée ni par l'un ni par l'autre, parce que même avec des contraintes, s'il y a que même sur une console comme la Switch, qui effectivement va être inférieure technologiquement, elle est quand même infiniment supérieure technologiquement à ce qu'on avait il y a 10 ans, et donc de toute façon, on va pouvoir faire des choses avec. Après, le tout est de trouver à quel point ça fait hurler la console, quoi. Oh là là, la musique! Show me the map. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un souvenir ici. Je m'étais pas déjà dit exactement la même chose? Si. Mais ça, c'est à cause de la forêt. Attends, ça se couait? Bouge pas, BG. Show me... Web. Moi, je pense que je vise pas le bon endroit puisque j'avais déjà cru que le souvenir était ici. Fais voir la map maintenant. Ouais, je m'en souviens, on avait scruté les parages. Par contre, c'est sûr, il y a d'autres Korogu là. Hein. Il y en a au moins un par là. C'est sûr. Là-haut, on a des œufs. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. C'est un extrait Twitch de la streameuse Chat qui est avec nous par Discord. Bonjour Chat. Bonjour. Alors, j'explique aux éditeurs de Blockbuster, vous êtes streameuse et illustratrice, vous êtes sur Twitch depuis 2018 et vous avez déjà fait plus d'une soixantaine d'épisodes de Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Exactement, c'est ça. Alors, expliquez-nous à quel moment vous vous êtes dit « Ah, je viens de trouver le jeu qui correspond totalement à ce que j'ai envie de partager avec mes abonnés et ma communauté ». Alors, du coup, il faut savoir que La Légende de Zelda, c'est une licence qui est hyper réputée et j'en ai toujours beaucoup entendu parler. Encore plus de Breath of the Wild que je n'avais jamais fait malgré son succès. Et comme j'aime beaucoup les jeux d'exploration et aussi d'aventure qui mêlent combat, quête, etc., je me suis vraiment dit, oh là là, bah, pourquoi pas le découvrir après tant d'années, parce qu'il est sorti il y a pas mal de temps, hein, il est sorti il y a 6 ans. Et je me suis dit, il réunit plein de trucs trop cool, ça va être hyper intéressant de le faire un peu après tout le monde, comme ça, de le découvrir en 2022. Et alors, habituellement, sur Twitch, la part belle est donnée... on a parlé des jeux From Software, où on aime bien regarder de très bons joueurs s'essayer à Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. Mais Zelda est un jeu intégralement solo, d'ailleurs, lui aussi. Et c'est vrai que... comment ça se passe une partie et une journée type où on fait un let's play sur Zelda Breath of the Wild? Comment on choisit ce qu'on va montrer? Est-ce que c'est au fur et à mesure que les spectateurs vous suivent, ou ce soir on sait qu'on va aborder un sanctuaire particulier, un moment particulier, et là on va rediffuser? Je sais que d'un streamer à l'autre, on peut avoir des façons différentes d'aborder le jeu. Moi, c'était vraiment au jour le jour, parce que je trouve que c'est la beauté de ce jeu-là en particulier. C'est le fait de l'allumer et de pouvoir faire le jeu n'importe comment, dans tous les sens. Donc vraiment, c'était de l'improvisation à chaque épisode. J'allumais le jeu et je disais, bon, ben, on va aller par là, on va faire ceci. Enfin, vraiment, totale improvisation. Et c'est vraiment un des gros points forts de ce jeu-là. Et est-ce que parmi vos spectateurs, il y a des gens qui ont déjà fait le jeu et qui, quand ils vous voient aborder certains passages, vont dans le chat vous dire « Ah non, mais attention, va pas par là » ou « Fais ci, fais ça » ou alors ils vous regardent et ils vous laissent seul juge? Alors, du coup, là, on parle de backseat, qui est de vraiment donner les indications aux streamers. Généralement, chez tous les streamers, on va interdire le backseat parce que ça retire la magie d'être regardé par d'autres personnes. Énormément de gens qui me regardent ont déjà fait le jeu Et c'est un des rares jeux qui, je trouve, est tout à fait regardable de nouveau, même si on le connaît, justement de par sa grandeur et le fait que chaque personne va y jouer un peu à sa façon. Et j'ai de la chance, les gens qui me regardent sont très patients et ils me laissent faire, en fait. Et au contraire, ils s'amusent de voir que j'ai une façon, des fois, peut-être très farfelue comparée à eux d'aborder le jeu. Et là, je sais qu'aujourd'hui sort Tears of a Kingdom, donc la suite, qui est d'ailleurs supposément beaucoup plus grande encore que Breath of the Wild. Est-ce qu'on peut imaginer la suite de ces let's play sur ce deuxième opus ? Ah oui, oui, totalement. La seule petite parenthèse me concernant, c'est que je ne vais pas du tout le faire à sa sortie, parce que je sais que beaucoup de fans de cette licence attendent justement cette suite depuis des années, des mois. Et par respect, j'ai envie de leur laisser 2-3 mois, voire 4 de découverte pour qu'ensuite ils puissent le revisionner chez moi sans se dire « Oh là là, je vais me faire dévoiler tout le jeu parce qu'elle le fait en même temps. » Donc en fait, je vais vraiment laisser le temps aux joueurs qui ont envie de le faire de leur côté de le faire et moi je le ferai dans quelques mois, quoi. Alors attendez, chat, là je suis pantois. Vous êtes en train de me dire que à une ère où on court toujours après la nouveauté et le buzz immédiat, vous allez temporiser pour laisser les gens se faire une idée par eux-mêmes? Mais oui, exactement. Après, je préfère rester transparente. En fonction du jeu que c'est, je sais que par exemple, il y a un petit jeu indé qui était sorti il n'y a pas longtemps, Stray, où on incarne un petit chat. Je ne vais pas vous mentir, j'y ai joué Day One. Je n'ai pas attendu que les gens fassent leur découverte de leur côté parce que je l'attendais trop. Pour le coup, Breath of the Wild, j'ai la chance de le découvrir en 2022 et j'ai encore plein de choses à faire dessus. Donc, je n'ai pas la même attente que ceux qui ont fini le jeu il y a des années, qui sont très fans de la licence et qui n'en peuvent plus en fait d'attendre le jeu. J'ai vraiment cette chance de pouvoir me dire, moi, je peux le faire un peu plus tard pour laisser du temps aux gens de le découvrir, quoi. Alors écoutez, chat, je n'ai qu'une chose à dire, c'est respect. Vraiment, vraiment là autour de la table, ouais. Thomas Hercouet, Olivier Bénis, on opine du chef, on dit c'est très très bien que vous puissiez être un exemple pour d'autres. Et d'ailleurs, si vous aimez les jeux de petits chats, il y a un autre jeu de petits chats qui doit bientôt arriver sur Switch, sauf que cette fois-ci, ce sera un petit chat noir, mais je l'ai vu arriver, ça fait un moment que je surveille, parce que moi aussi j'aime bien les loupous du chat. Oui, je crois que je l'ai vu passer. Je me souviens plus du nom. Je sais qu'il y a un petit chat noir dans une rue d'une ville japonaise et où on suit son quotidien. Et voilà. D'accord. Et je suis curieux parce que j'ai moi-même un chat à la maison et son quotidien ne me semble pas passionnant. Donc peut-être que je me dis que les chats japonais sont plus intéressants que le mien. En tout cas, merci beaucoup, chat, d'être intervenu. Pardon, ça s'écrit comment, chat, sur Twitch? Chat et le petit underscore, le trait du 8. Ok, cool, merci beaucoup. Merci, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve sur Discord. Oui, pas de souci. Au revoir. Au revoir. Alors, effectivement, là, on a vu que 6 ans après, Zelda Breath of the Wild continue d'être un jeu qui rencontre de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses. Mais il y a aussi un élément dont on n'a pas encore suffisamment parlé, qui est la versatilité, j'ai réussi à le dire, du gameplay. C'est mille et une manières de jouer, et notamment via cette tablette Sheikah, dont on a parlé, l'iPad qu'ils ont réussi à inclure dans le jeu, mais qui permet de soulever des pierres, de soulever du métal, de geler des objets, de les charger d'énergie cinétique qui vont ensuite les faire se projeter très très loin. Et en fait, en voyant cette tablette Sheikah, et ça a l'air d'être encore un peu plus appuyé dans Tears of a Kingdom, j'ai l'impression que les concepteurs du jeu nous ont livré justement un des outils de conception du jeu, mais mis aux mains du joueur. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité d'influer, toute proportion gardée, à l'instar d'un Minecraft, mais sur des outils qui habituellement sont ceux des développeurs. C'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait qu'il est encore très jouable et donc très regardable aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a sans doute pas deux joueurs qui ont fait la même partie sur Breath of the Wild. C'est-à-dire que vous, Frédéric, vous aurez peut-être fait un donjon avant tel autre, ou vous aurez utilisé telle technique pour résoudre ça. Une énigme ou pas, Thomas pareil, et moi j'aurais fait quelque chose de complètement différent. Je lisais, je crois que c'est dans Le Monde qui a eu l'occasion de jouer à Tears of the Kingdom un peu en avance, et qui disait qu'il s'était amusé plus à jouer un peu, puis à regarder les écrans des autres, et il voyait qu'il n'y avait pas un journaliste dans la salle qui avait fait la même chose pour la même mission, enfin le même moment de jeu. Donc, c'est ça qui est très fort, c'est que dans un sens, les concepteurs ont laissé tellement de liberté aux joueurs que les joueurs ont fait des choses auxquelles eux-mêmes ne s'attendaient peut-être même pas. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui ont fini par concevoir, parce qu'il y a plusieurs pouvoirs, notamment qui gèrent la cinétique, qui permettent de projeter des objets, des choses comme ça. Il y a des gens qui, avant même Tears of Kingdom, qui permettrait de fabriquer des machines, avaient fabriqué des véhicules dans Breath of the Wild qui n'étaient absolument pas prévus par les concepteurs. Il y a des gens qui ont imaginé comment utiliser des arbres pour faire une catapulte, pour aller directement en haut de la plus haute tour qu'on ne peut pas atteindre parce que l'endurance n'est pas assez élevée. Donc, à la fois, c'est très risqué et c'est une preuve de générosité, je trouve, incroyable de la part des concepteurs du jeu. C'est de dire, allez-y, faites ce que vous voulez dans le jeu. On n'a sans doute pas imaginé tout ce que vous pouvez faire, mais on fait confiance à votre imagination et à votre créativité pour y aller. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'à aucun moment, on ne casse le jeu en faisant ça. C'est que tout ce qu'on peut faire, même les trucs les plus fous, les plus farfelus, tant que ça reste dans les règles de la physique du jeu, certaines règles physiques de base, ça fonctionne. Et c'est pas surprenant. À aucun moment, on se dit « Ah, super, j'ai réussi à détourner le truc ». Ce qui peut arriver, par exemple, quand des gens font des speedruns, donc quand ils finissent un jeu très très vite, très souvent, ils utilisent des bugs du jeu pour y arriver. C'est-à-dire qu'ils passent par une salle, ils appuient sur une succession de boutons, et puis ils se retrouvent directement dans la salle du boss. On sait pas trop comment, c'est juste que le jeu a été mal conçu. Dans Breath of the Wild, personne n'a fait quelque chose qui était foncièrement, qui exploitait une faille du jeu. C'est-à-dire que tout le monde a utilisé vraiment les outils qui étaient fournis, et après, à eux d'en faire absolument ce qu'ils voulaient. Thomas Hercouet, dans Tears of a Kingdom, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a carrément, parce qu'il y a un autre élément du jeu, c'est que les armes, par exemple, peuvent casser si on les utilise trop souvent. Et même des armes de très très bonne qualité qu'on a, bah paf, elles sont usées. Donc, et là, ils introduisent un système de fusion où on peut, par exemple, marier un champignon empoisonné avec un bouclier, mettre un rocher au bout d'une épée pour qu'elle soit plus solide. Et en plus, il y a une verticalité supplémentaire, c'est que désormais, il y a des îles qui surplombent Hyrule et qui démultiplient la carte et les possibilités d'exploration. Ouais. En fait, tout ça, c'est le même sujet. C'est-à-dire que moi, c'est avec cette question en tête que je suis arrivé vers Aonuma et Fujibayashi quand on les a interviewés à Brut. C'est que moi, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a plein de gens, comme disait Olivier, qui ont hacké le jeu, c'est-à-dire qui ont fait des choses extraordinaires. Et moi, je voulais savoir si, sachant que clairement, les trailers de Tears of the Kingdom, et là maintenant, vous y avez joué et vous le savez qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans Tears of the Kingdom et que c'est complètement fou. Mais je me suis dit, mais est-ce que, par hasard, ils n'ont pas fait Tears of the Kingdom en voyant ces vidéos et en disant, c'est extraordinaire, cette viralité, elle est dingue, il faut qu'on capitalise dessus. Et oui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le développement de Tears of the Kingdom s'est passé de la façon suivante. Dans Breath of the Wild, effectivement, il y a plein d'options, on peut jouer avec l'environnement et le hacker. Ils ont déjà trouvé ça complètement fou et ils se sont dit, c'est super, le réalisateur. C'était bien quelque chose qui était pensé, mais... C'était le but. Mais les joueurs s'en sont emparés. Et les joueurs s'en sont emparés, donc ça veut dire que ça a marché. Et Fujibayashi avait commencé lui-même, donc Fujibayashi, le mec qui est derrière Oracle of Ages, Season Minish Cap, Skyward Sword, Breath of the Wild, et il a dit, voilà, moi-même, je faisais des petits véhicules, des petites catapultes. J'avais commencé à jouer avec ça autour de la sortie. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces vidéos, tous ces Instagram, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, on s'est dit, OK, c'est vraiment la direction qu'il faut qu'on prenne. Et à partir de là, ils ont pensé à deux choses. Comment on fait pour développer le monde? Bon, bah, ils n'avaient pas le choix. Hein, c'était monde. Ils avaient fait un monde horizontal, donc il fallait qu'ils aillent en haut ou en bas. Et donc, ils ont mis des îles dans le ciel. Notamment, et ils se sont dit, donc ils ont pensé à la verticalité, et à partir de ça, ils ont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut penser comme pouvoir pour pouvoir permettre de créer déjà des puzzles intéressants, et en plus de ça, pour que des joueurs jouent avec et fassent des choses absolument dingues. Et en fait, le choix des pouvoirs, donc maintenant, je pense que si vous avez écouté cette émission, vous avez sûrement déjà un petit peu joué au jeu, et vous avez dû voir les pouvoirs qu'il y a, je vous spoile pas, évidemment, mais en plus d'avoir des nouveaux pouvoirs qui vont permettre de faire des choses nouvelles, ces pouvoirs gèrent l'espace d'une façon totalement inédite. Et pour moi, Tears of the Kingdom n'est pas du tout le même jeu que Breath of the Wild, pour une raison qui est très simple. Breath of the Wild, on en a parlé pas mal, c'est un jeu où on se dit, waouh, je vois ce truc là-bas, je veux y aller. Tears of the Kingdom, c'est un jeu où, au contraire, vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous et vous allez faire « Waouh, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Donc, on n'a pas du tout le même regard sur notre environnement et sur ce qu'on va y faire. Dans Tears of the Kingdom, vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous, là où dans Breath of the Wild, vous regardiez l'horizon. Et pour moi, c'est complètement fou. Nintendo a réussi à faire, à partir d'un même jeu, d'un même univers, au sein d'une suite cohérente, un jeu qui, pour moi, est radicalement différent dans sa façon de l'approcher. Et alors, question de néophyte, mais est-ce que on peut faire Tears of the Kingdom sans avoir fait Breath of the Wild? Parce que j'imagine oui. que... Oui, absolument. Enfin, je dis ça je pense qu'évidemment c'est mieux d'avoir fait Breath of the Wild avant, bon, pour l'univers, pour des personnages, etc. Mais le jeu est... Bon, on va pas se mentir, les Zelda, l'histoire et le lore sont très intéressants, mais c'est pas ce qui fait la force du jeu. Non, Tears of the Kingdom est... C'est évidemment... dommage que c'était ma question suivante. parce que c'est vrai que l'histoire de Breath of the Wild est une histoire très tragique. C'est vrai. On le sait dès le départ que cette civilisation a disparu. On nous fait découvrir des personnages très charismatiques qui ont disparu aussi, ouais. Les prodiges, Zelda, et c'est vrai qu'il y a une notion qui me semblait très différente des autres Zelda, peut-être à l'exception de Ocarina of Time, mais il y a quelque chose de très mélancolique dans ce Zelda initialement. Ça l'a toujours été, hein, Zelda a toujours été un peu mélancolique. Oui, là c'est vraiment très particulier parce qu'il y a presque une notion de deuil dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire que la progression dans l'histoire de Breath of the Wild, encore une fois, sans spoiler ni rien, mais ça va être Link qui fait le deuil de gens qui ne le connaît plus. En fait, c'est-à-dire qu'il va petit à petit se souvenir de gens qui en fait sont morts depuis 100 ans. C'est le syndrome Captain America. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, il y a un petit peu de ça là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a cette mélancolie. Que je trouve très souligné par les choix musicaux, notamment. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Breath of the Wild fait aussi une petite révolution dans l'utilisation de la musique. C'est-à-dire que les thèmes musicaux de Zelda sont assez iconiques en général. Il y a plein de thèmes qu'on connaît, le thème principal, le thème du château d'Hyrule, les choses comme ça. Et donc on retrouve d'un épisode à l'autre. Et puis il y a des réorchestrations, il y a des choses comme ça. Il y a des grands concerts symphoniques sur les musiques de Zelda. Et ce Breath of the Wild prenait le parti de faire une musique très minimaliste. Très lié à l'action à l'écran, c'est beaucoup des petites notes de piano un petit peu rapides, des choses comme ça qui vont être liées à ce que vous faites, et ça joue énormément sur ce côté mélancolique aussi global. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde qui de toute façon a déjà connu sa fin, l'apocalypse elle est arrivée, la seule question ça va être est-ce que vous allez réussir à lancer le début de la réparation de ce monde. Donc il y a cette mélancolie, il y a ce deuil global qui est souligné par plein de choses, par le fait que tout a l'air un petit peu vide, qu'il y a des ruines, que les villages que vous allez rencontrer, ils sont pas en très très bon état, ou alors ils sont tout juste en période de reconstruction, que tout le monde a perdu des gens, en fait, des ancêtres ou des gens beaucoup plus proches. Et voilà, et c'est assez différent. Mais plus globalement, pour parler de l'histoire des Zelda, ce que je trouve très fort dans la série, c'est qu'en fait, c'est pas des jeux qui ont, c'est des jeux qui ont des scénarios indépendants, mais le concept est une mythologie en fait. C'est qu'une fois qu'on a compris les grandes lignes, à savoir Zelda, c'est la Triforce de la sagesse, Link, c'est la Triforce du courage, Ganon, c'est la Triforce de la force, et ils s'affrontent perpétuellement à travers les générations et les choses comme ça. Vous avez cette base là, vous pouvez rentrer dans n'importe quel jeu Zelda que vous ayez fait les précédents ou pas, des choses comme ça. Ganon qui apparaît dans Breath of the Wild sous une forme très différente de celle qu'on a connue. Alors ouais. Là, on a. Mais qui est très lié aussi à l'histoire de Breath of the Wild. Oui, bien sûr. Qu'il y a vraiment et ce là, côté dans tout Tears of the Kingdom. On voit réapparaître une version dans l'univers. La, voilà, pardon. De, mais, non, c'est vrai, mais moi j'adore Ganondorf. Hein, donc, bien sûr, mais même le rapport qu'il a à sa tribu de base, les Gerudo, où on voit ces guerrières, ces sociétés de femmes amazones très très très très costauds, etc., qui se sentent plus ou moins responsables que issus de leur rang. Est apparu. Ouais, c'est-à-dire que pour situer, c'est une tribu qui est constituée exclusivement de femmes guerrières et qui, une fois tous les siècles, je crois, a un héritier masculin qui est censé devenir le roi des Gerudo. Et pas de bol, à chaque fois, c'est l'incarnation du mal. Oui. Donc voilà, c'est pas de chance, elles l'ont pas fait exprès, mais ça tombe mal. Et c'est particulièrement vrai dans Breath of the Wild. Oui. Et c'est vrai que tous ces petits à côté, la tribu des Gorons, voilà, c'est ce sorte de trolls rocailleux avec des grosses massues, les Piaf, Revali, c'est ces personnages aquatiques qui peuvent même faire penser un petit peu à Avatar. Voilà, il y a toute une cosmogonie chez Zelda qui est là quand même depuis le début, qui se développe, mais qui est souvent mise en retrait par rapport à la prouesse technologique et ludique de ces jeux. Et, ouais. On entend souvent dire il n'y a pas d'histoire. Si, il y en a une, non, c'est vrai, ouais. Très très forte quand même, mais... Bah donc Ocarina of Time, hein, vous l'avez dit, c'est vrai que c'était très marqué, hein. On avait vraiment une carte qui avait évidemment le château d'Hyrule en son centre, il y avait les Gerudo qui, je crois, étaient à l'ouest, à l'est il y avait les Ura, et au nord ce sont les Gorons, comme tout le monde le sait. Oui. Mais elle me grattait, je suis content Thomas, merci, je suis très content. Il fallait que quelqu'un l'a fait. C'était couru d'avance, mais non, la mythologie, encore une fois, c'est ça que j'aime vraiment bien et qui est très intéressant dans Zelda, c'est que la mythologie, le lore est au service de l'expérience de jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un travers que parfois la littérature ou le cinéma peuvent avoir. C'est-à-dire que parfois on a des univers qui se regardent un peu le nombril, avec la fantasy notamment est très coupable de ça, hein, d'avoir des univers qui sont opaques et qui sont durs à rentrer. Parfois l'histoire est en deçà de la qualité de l'univers. Qui nécessite des cartes, un dictionnaire, ouais. Un lexique, très souvent. Ça ne veut pas dire que l'histoire est mauvaise, mais souvent l'univers est meilleur que l'histoire, mais comme l'histoire est un peu en décalage, non, l'expérience est moins bonne. Là, dans Zelda, l'univers est certes super intéressant, mais il est tout le temps, constamment, au service de l'expérience de joueur et de cet émerveillement qu'on va chercher à avoir. Zelda, encore une fois, je suis en boucle dessus, mais c'est une aventure, c'est la quintessence de ce que, c'est une proposition de définition de l'aventure moderne. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure, qu'est-ce que c'est qu'une épopée aujourd'hui? Et ça rentre là-dedans, hein. c'est pas une histoire, c'est pas une mythologie, c'est une aventure avant tout. Et surtout la cosmogonie, comme on disait, des différents types de personnages, donc ces différentes espèces en fait, c'est pareil, ça sert l'histoire. Les Gorons, le but c'est qu'on comprenne tout de suite qu'ils vivent dans la montagne, c'est des espèces de grosses créatures rocailleuses. Les Ura, le but c'est qu'on comprenne tout de suite qu'on va être sur des niveaux aquatiques ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment ce côté c'est une histoire qui existe, qui très simplifié, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit faut que ce soit tiré à grands traits pour que n'importe qui puisse immédiatement comprendre à qui on a affaire en face, et ce qu'on va trouver, et que ça serve, bah, tout simplement le plaisir de jeu. Zelda. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. Oh là là là là là là, j'ai les poils, les défrissons. Froid dans ce studio. Voilà, rien qu'en écoutant la bande-annonce de Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild. Et autant vous dire que voilà, je sais que le jeu m'attend sur ma Switch après avoir été téléchargé il y a plusieurs jours, mais je ne pouvais y jouer qu'à partir de minuit. Et travail oblige. Eh ben non. Donc là, autant vous dire que je suis chaud bouillant. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé vis-à-vis de l'univers de Breath of the Wild, c'est que d'habitude, au fur et à mesure, on avait tendance à recréer un autre univers à chaque fois qu'un Zelda apparaissait. Et là, à l'instar d'autres jeux de rôle, comme Final Fantasy VII ou Persona Royale, on sent une envie de créer plus d'opus dans cet univers de ce Zelda bien précis. C'est-à-dire que on sent qu'à l'intérieur même d'une franchise, il y a des sortes de mini-univers qui se sont créés, et Breath of the Wild en fait partie. Est-ce que c'est quelque chose de symptomatique qui est en train de se généraliser, ou c'est vraiment le propre des univers très très forts dès le départ ? C'est difficile à dire. Il faut savoir, pour les néophytes, que la série Zelda, généralement, n'a jamais de suite directe. C'est assez rare. J'en compte que deux dans ma tête, mais Majora's Mask, donc qui est la suite directe d'Ocarina of Time, et Phantom Hourglass, qui est la suite directe de Wind Waker. A Link Between Worlds, qui est la suite directe de Link to the Past. Voilà. Sur 3DS. Alors, on ne va pas partir pour expliquer la triple chronologie Zelda, parce que sinon, on en a pour une demi-heure. Mais chercher sur Wikipédia, c'est passionnant. Oui, et puis il y a des chronologies qui sont très bien faites. C'est formidable. C'est vrai que pour aller vite, en gros, parce que je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une parenthèse là-dessus, la série Zelda, donc chaque jeu est totalement indépendant avec juste des espèces de grands archétypes, des choses comme ça. Ça a été conçu comme ça. Au fur et à mesure, les joueurs se sont dit « doit y avoir une chronologie, on doit pouvoir les mettre dans un ordre ». Ce qui fait que finalement, ils ont élaboré deux chronologies avec un système de mondes parallèles en fonction de ce qui se passait à la fin d'un des épisodes. Ce qui fait qu'au final, ils ont sorti un livre officiel en disant « en fait, il y a trois univers parallèles ». C'est un bordel sans nom, mais c'est passionnant à lire parce que vraiment, c'est un boulot des fans sur plusieurs années qui a été incroyable, qui a fini par être validé officiellement. Et pour revenir à Breath of the Wild, je trouve que c'est un peu la même idée que Breath of the Wild, c'est le côté laissons les joueurs faire un peu ce qu'ils veulent avec cet univers. Je ferme la parenthèse sur la triple chronologie. Donc oui, les suites, c'est assez rare, mais c'est vrai que Breath of the Wild avait tellement ce côté, on a tout repris à zéro, on a tout cassé, on a recréé cet univers d'une manière absolument superbe, tout le monde veut y retourner, mais pas forcément de la même façon. Il fallait faire une suite, ils n'avaient pas vraiment le choix. Je me demande même à quel point, comme on le disait, ils n'y pensaient pas dès qu'ils ont commencé à le concevoir. C'est que, le peu que j'ai vu de Tears of the Kingdom, on a vraiment cette impression qu'il y a des trucs qu'ils n'avaient pas pu exploiter dans le premier, mais ils se sont gardés sous le coude. L'idée des îles flottantes qui reviennent, c'est quand on a joué à Skyward Sword notamment, dont c'était la grande force, ça colle des frissons aussi aux joueurs de Zelda. Donc il y avait cette envie de revenir à cet univers très fort. Sans oublier que les prodiges dont je parlais, qui font partie de ces personnages très charismatiques qui étaient au second plan, ont été développés, notamment dans le jeu qui est un Musou, un jeu de type complètement différent, où un personnage se bat contre des hordes d'ennemis, a été développé avec le même moteur graphique, dans la même patte graphique que Breath of the Wild, dans Hyrule Warriors. En fait, comme on disait, c'est que le concept normalement d'une histoire de Zelda, c'est qu'il faut des archétypes très forts et des choses comme ça, mais pas forcément que les personnages eux-mêmes soient très forts. Et je pense qu'ils ont été un peu pris à leur propre piège, c'est qu'ils ont fait des personnages décédés il y a 100 ans tellement intéressants qu'on a envie d'en savoir plus sur eux, d'explorer un peu leur histoire et les choses comme ça, parce que chacun des quatre prodiges a vraiment, vraiment une histoire très développé pour un personnage qu'on rencontre qui a l'état de fantôme dans le jeu ou qui a un état très diminué. Donc il y avait cette envie non seulement de revenir sur l'univers mais de revenir sur les personnages, et d'ailleurs je crois que les prodiges font leur retour aussi dans Tears of the Kingdom de manière encore un peu plus forte. Mais voilà, ça leur apprendra à faire des personnages intéressants, après il faut les exploiter et les exploiter encore. Et pour terminer cette émission, j'aimerais juste qu'on revienne sur le fait que avoir un tel consensus au niveau critique et public, c'est rare dans l'histoire du jeu vidéo. On l'a vu avec Breath of the Wild, on est en train de le voir avec Tears of the Kingdom, on l'a vu avec Elden Ring, des jeux qui ont pour point commun effectivement de ne pas faire des histoires chronologiques et pré-mâchées, des jeux dans lesquels où tout n'est pas indiqué et dans lequel l'environnement peut aussi constituer l'ennemi du jeu, c'est-à-dire une montagne à gravir, etc. Est-ce que dans ces notes et dans ce que le métier et les joueurs disent et plébiscitent, on n'a pas tout simplement la réponse et encore une fois dans la question, je suis très fort pour ça, mais une aspiration à la liberté, c'est-à-dire que ces jeux-là qui ont des 10 partout, c'est les jeux dans lesquels le développeur nous laisse le plus tranquille possible en disant voilà, ça c'est vos jouets, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je vous regarde de loin. Ouais, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une réponse définitive à cette question-là. Parce qu'il y a des jeux qui sont très linéaires et qui marchent très bien. Hein. Là, on parle de jeux comme ça. Mais sinon, je pense à beaucoup de MMORPG, par exemple, qui ont une forme de linéarité aussi. Mais en même temps, un espace très bac à sable. Je sais que vous avez parlé de Final Fantasy XIV. Je le sais. J'ai promis de ne pas le dire. Mais il y aura aussi un blockbuster consacré à FF14. Mais c'est un sujet à part entier. J'ai posé ma journée. Oui. Mais non, pour le coup, c'est... En fait, je pense que... Et c'est une bonne conclusion sur l'état du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui ne répond pas à une grammaire qui est unique, à une règle, à une tendance. Je pense qu'il y a une pluralité dans le jeu vidéo qui n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment. On a une variété de jeux qui sont ultra narratifs, évidemment, et qui ultra narratifs, d'autres qui sont extrêmement ouverts. On a du sandbox un peu à la Minecraft. Minecraft est quand même un des jeux les plus vendus de tous les temps. Et on a à côté des GTA, c'est pareil. Et effectivement, il y a cette notion de jeu très bac à sable qui permet d'avoir une... qui donne la sensation que les jeux les plus libres sont les plus vendus. Moi, je pense que vraiment, c'est les jeux qui mettent le joueur au centre de leur jeu en tant que protagoniste de leur propre aventure qu'ils font. Il y a des jeux extraordinaires où le joueur est invité à un voyage. Et dans les Zelda, dans les jeux un peu bac à sable, c'est le joueur qui crée son voyage. De plusieurs manières différentes, de manière plus ou moins guidée. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça qui fait que les joueurs demandent ça, parce que c'est la spécificité qui fait que le jeu vidéo n'est pas un film. Un jeu vidéo n'est jamais un film, évidemment. Mais pour le coup, quand c'est plus marqué, ça se voit. Peut-être ça rejoint un petit peu les livres de ma jeunesse, les livres dont on est le héros, où on pouvait choisir plus ou moins d'orienter l'histoire comme on en avait envie. Et c'était déjà considéré comme un progrès émancipateur total. Exactement. Je rebondis sur cette petite comparaison avec le film. Je pense aussi que ce qui fait l'énorme succès de Breath of the Wild et des jeux du genre, c'est que je crois que le jeu vidéo sort d'une période de complexe vis-à-vis du cinéma. On a été très longtemps à courir après le cinéma, à dire il faut que les jeux vidéo ressemblent de plus en plus à des films interactifs. Mais vraiment dans le sens le plus noble du terme, c'est qu'il faut qu'il y ait une narration très forte, il faut qu'il y ait des personnages très forts, des très bons scénarios. Et je pense que les succès de Breath of the Wild ou d'autres jeux un peu du même genre montrent qu'en fait le jeu vidéo n'est jamais meilleur que quand il essaie de faire du jeu vidéo, avant tout. On peut prendre des choses dans le cinéma, il y a plein de choses quand il s'assume. Soyez ce que vous êtes. C'est ça, il faut en tout cas que ce soit au cœur du truc, il ne faut pas que le gameplay soit juste un truc superposé à un scénario. Bon, alors là, je pense qu'on n'ira pas plus haut que cette conclusion. Merci beaucoup, Thomas Hercouette, Olivier Bénis. Merci d'avoir évoqué Zelda Breath of the Wild. Je remercie également Marion Lelay, qui a réalisé cette émission. Et je remercie également Benjamin Ducy, qui l'a préparée. Et je remercie toujours Henri Bérec à la technique aujourd'hui. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour évoquer vos souvenirs de Zelda, de Breath of the Wild, de votre impatience de jouer à Tears of the Kingdom. C'est votre répondeur, vous pouvez parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Dans 15 jours, on va parler des super-vilains et si les méchants avaient raison. Blockbuster est un podcast original de France Inter.